Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie. Chapitre 1er. Sixième paragraphe. La nuée du désert, la toison de Gédéon. Bien d'autres êtres inanimés vous offrent des figures de Marie, je ne puis les passer tous en revue, je n'en finirai pas. Je terminerai par quelques réflexions sur la nuée du désert et sur la toison de Gédéon. Lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, il se vit un moment réduit à la dernière extrémité, arrêté d'un côté par la mer Rouge, pressé de l'autre par ses ennemis qui le poursuivaient. Il lui vint alors un secours inattendu. Une colonne de nuée s'interposait comme un mur entre lui et les Égyptiens, tandis qu'elle foudroyait ces derniers et les remplissait d'épouvante, elle répandait la joie dans le cœur des Israélites. Cette nuée les accompagna tout le temps de leur pèlerinage dans le désert, jusqu'à ce qu'elle les eût introduits dans la terre promise. Que ces traits conviennent bien à Marie. Elle aussi vole au secours de ses serviteurs, lorsqu'elle les voit en danger, lorsqu'ils sont entourés d'ennemis. Elle leur sert de rempart, elle jette l'effroi et la terreur parmi les ennemis de notre salut, en même temps qu'elle procure les plus douces consolations aux serviteurs de Dieu. Elle leur sert de guide dans le pèlerinage à travers le désert de cette vie, jusqu'à ce qu'elle les ait introduits dans le séjour délicieux des vivants. Heureux les chrétiens, s'ils savaient régler leur marche sur les mouvements de cette nuée bienfaisante. Malheureux, s'ils refusent de suivre un tel guide. Malheureux, s'ils songent à rebrousser chemin et à retourner en Égypte. Eux seuls seront responsables de leur perte. Marie veut le salut de tous. Elle veut nous conduire tous au ciel, mais nous, infidèles et ingrats, nous méconnaissons ses faveurs, nous abandonnons un guide si fidèle. Nous nous laissons prendre aux appâts des viandes d'Égypte, et nous comptons pour rien le séjour des élus, où Marie veut nous conduire. Psaume 103, 24. Ô ma tendre mère, éloignez de moi un tel malheur, de moi, dis-je, et de ceux que vous connaissez. Je n'ai que trop mérité d'être abandonné de vous, mais la tendresse de votre cœur ne l'a pas permis jusqu'ici. En voyant ma faiblesse, je crains, je tremble qu'un jour je ne vienne à me soustraire à votre conduite, en me détournant de vous, ô ma mère, s'il devait en être ainsi, obtenez-moi, je vous en supplie, de mourir à présent, que le Seigneur me châtie comme il lui plaît, mais qu'il ne permette pas que je l'abandonne, non plus que vous, ô Marie, ma mère. La figure que nous offre la toison est plus frappante. Je ne ferai que copier ce qu'en dit Saint Bernard, second de Mélie sur les gloires de la Vierge Mère numéro 7. Apportons, dit ce saint, une autre image de la Vierge Marie, prise des divines écritures. Que signifie cette toison de Gédéon, qui, détachée de la peau sans douleur, ni blessure, est placée dans une aire, et la première fois se trouve le matin toute trempée de rosée, tandis que la terre alentour reste sèche, la seconde fois reste sèche elle-même, tandis que l'air est couvert de rosée? Que signifie-t-elle sinon la chair prise de Marie, sans détriment de sa virginité? Certes les cieux distillèrent et répandirent sur elle la plénitude de la divinité, afin que nous fussions tous participants de cette plénitude, tandis que, sans elle, nous ne sommes vraiment qu'une terre aride. On peut aussi, semble-t-il, assez bien appliqué au premier prodige de Gédéon ses paroles prophétiques, il descendra comme une pluie dans la toison, car ce qui suit il tombera sur la terre comme des gouttes d'eau, se rapporte au second prodige par lequel l'air fut trempé par l'eau. En effet, la pluie que Dieu avait destinée à son héritage, il la laissa avant tout descendre doucement, sans le bruit d'aucune opération humaine, dans le sein virginal de Marie. Ensuite, elle a été répandue par toute la terre, par la bouche des prédicateurs de l'Évangile, non plus comme la pluie sur la toison, non plus avec la même abondance que dans le sein de Marie, mais sous la forme de petites gouttes qui se dispersent par toute la terre. Telles sont les paroles de saint Bernard, et je ne sais ce qu'on pourrait y ajouter. Adressons-nous donc à Marie, et prions-la de nous obtenir quelques gouttes de cette rosée qu'elle a reçue en si grande abondance. Ô Marie, toison imbibée des grâces divines, ô mer plutôt, ô océan de grâce, pourquoi n'en laissez-vous pas tomber quelques gouttes sur la terre séchée et aride de mon cœur? Souvenez-vous que vous ne les avez pas reçues pour vous seul, mais encore afin de les communiquer aux autres. Et à qui donc, ô ma mère, les communiquerez-vous ces grâces, si vous les refusez à votre enfant qui les sollicite humblement? Mais que dis-je? Aurais-je bien la hardiesse d'adresser des reproches à Marie, et ne pourrait-elle pas à l'instant me couvrir de confusion, en me remettant sous les yeux les faveurs qu'elle m'a départies jusqu'à ce jour? Ah! Marie n'est pas avare des grâces dont elle est la distributrice et la trésorière, mais nous, par notre ingratitude, nous empêchons le libre cours de ce torrent bienfaisant, qui de son côté est disposé à inonder le monde. L'ingratitude, dit saint Bernard, est un vent brûlant qui dessèche les sources de la miséricorde. Au cœur trop ingrat, quand te briseras-tu, quand pourras-tu vaincre ta dureté excessive? Ô Marie, brisez-le, je vous en prie, mettez-le en pièces, broyez-le, ou plutôt plongez-le dans l'océan de votre amour, afin qu'à l'avenir il ne soit plus à moi, mais à vous, que je n'ai plus d'autre volonté que celle de Dieu et la vôtre, ô ma très aimable mère. Markemdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.